poignée de porte qui se détache. Une boîte aux lettres défoncée. Un fond de chiottes super crade qu'on n'arrive plus à nettoyer. C'est mon état des lieux. C'est mon état des lieux. C'est pas fini. La porte de l'armoire démontée. Je sais plus comment c'est arrivé. Sur la moquette, des trous de clope. Mais bon, j'avais plus de cendrier. C'est mon état des lieux. C'est mon état des lieux. Ça continue. J'ai perdu le double des clés que le proprio m'avait refilé. Le pommeau de douche est défectueux. Je ne peux plus me laver les cheveux. C'est mon état des lieux. C'est mon état des lieux. L'homme salit tout sur son passage. En ville, en campagne, sur les plages. Même en paix ou en guérilla, l'homme bousille tout et il s'en va. C'est mon état des lieux. C'est mon état des lieux. C'est mon état des lieux, monsieur le propriétaire.